Bonjour à toutes et à tous, ici Claude Black-Belair, qui de Quiberon, où il est en vacances aujourd'hui, et va vous conter sa petite histoire de la pêche à la morue. À la pêche à la morue, j'y suis allé 3 années de suite, au mois d'août, lorsque j'avais 10 ans, 11 ans et 12 ans. Mais qu'est-ce qui s'était passé? Un ami de mon père, Pierre Lambert, vient un matin l'informer que le petit mousse de l'un de ses chalutiers, la Marie-Caroline, avait eu les jambes sectionnées par le câble qui remontait le chalut. Pierre Lambert était un armateur, il avait 3 bateaux, et il venait me proposer d'embarquer comme petit mousse dans une campagne de pêche à la morue, dans le canal Saint-Georges, entre l'Irlande et l'Angleterre. Je ne me suis pas fait prier et mon père, un beau jour, m'a conduit sur le port d'Étel ou celui de Lorient, tout dépendait là où se faisaient les embarquements, pour y charger mes vivres. Alors qu'est-ce que c'était? C'était du jus de fruits, c'était du Coca-Cola, c'était tout plein de liquide qui n'était pas fourni par le bord. Une fois embarqués, nous mettions 2 jours pour nous rendre sur le lieu de pêche. Pendant ce petit voyage, j'étais le seul bien portant. Tout l'équipage était malade après un séjour à terre de 15 jours. Il faut savoir qu'un marin navigue à peu près 3 semaines, 1 mois, et puis reste 15 jours à terre. Et lorsqu'il reprend son voyage au départ suivant, eh bien, il est malade. Et pendant ce temps-là, moi, j'ai appris à tenir la barre, à gouverner le bateau sur le bon cap, sous la conduite du capitaine. J'étais fier parce que tout seul, je profitais bien d'apprendre à manœuvrer ce bateau. Pendant la campagne de pêche, à bord, chaque marin buvait, et je ne vous raconte pas d'histoire, entre 6 à 8 litres de vin par jour. Il travaillait entre 16 et 20 heures. Moi, j'avais mes nuits de 8 heures. Midi et soir, j'étais préposé à l'apéritif. C'était le rôle principal du petit mousse. Alors, toutes les 4 heures, nous remontions le filet, qui s'appelait le chalut, et j'étais préposé pour dénouer la cordelette qui fermait ce grand chalut. À l'ouverture du filet, entre 1 et 4 tonnes de poissons se dévidaient sur le pont. Chacun s'emparait d'un poisson pour le vider. À l'époque, il fallait vider tous les poissons que nous mettions à fond de cale. Bien souvent, les cabillauds, c'était ainsi qu'on appelait la morue aussi, étaient plus grands que moi. Vider leurs entrailles demandait un sérieux coup de main et beaucoup de dextérité. Un crochet dans la main gauche, soutenant l'animal, un couteau dans la main droite pour ouvrir le flanc de la bête et le vider de ses intestins. Tout l'équipage était à pied d'œuvre pour vider les poissons et les ranger dans de grandes caisses en bois sur un lit de sel. À cette époque-là, les bateaux n'avaient pas de frigo. Tous les poissons étaient nettoyés, vidés et rangés bien précautionneusement dans des caissons sur lesquels nous avions des lits de sel, et ces poissons étaient recouverts de sel dessus, dessous, et rangés bien proprement. Chaque caisse était rangée à fond de cale. Les abats des poissons traînaient pêle-mêle sur le pont en bois du navire. Souvent, les albatros, que les marins bretons appelaient les grands guillous, souvent ces grands oiseaux étaient à l'affût pour récupérer tous les excréments des animaux. Ils volaient au-dessus du navire. Affamés, ces grands oiseaux plongeaient sur le pont en bois du navire et fichaient leur bec dans la dunette ou le gaillard d'avant. impossible d'approcher ces grands oiseaux dont l'envergure avoisinait les 2,50 m à 3 m. La seule façon de les sortir de ce piège dans lequel ils s'étaient mis, eh bien, c'était de prendre une hache pour leur couper le bec. Ensuite, sauvagement embrochés, ces oiseaux, embrochés avec un grand manche en bois, ces oiseaux devenaient des cerfs-volants et jour et nuit volaient derrière le bateau. J'avais été frappé par la sauvagerie de l'équipage qui devait conjurer le sort en tuant ces grands oiseaux de mer qui suivaient loin des côtes tous les bateaux de pêche sans jamais se poser. Ils plongeaient pour attraper leurs poissons. Ils plongeaient d'une hauteur d'environ 25 mètres. Et bec ouvert, ils plongeaient et attrapaient les poissons qu'ils avaient survolés. Nous partions environ un mois, le temps d'une marée, comme disaient les marins pêcheurs. Nous traînions notre chalut jour et nuit. Régulièrement, notre filet ramassait, outre du poisson, des phoques, de vieilles chaudières de bateaux, voire du homard ou des langoustes, que nous échangions avec de petits cargos qui croisaient à côté de nous dans le canal Saint-Georges, que nous échangions contre des cigarettes en mettant les deux navires bord à bord et en tendant un câble pour rejoindre qui les cigarettes, qui les langoustes. Après chaque accrochage du chalut au fond de l'eau, nous devions réparer le filet. C'est ce qu'on appelle le ramandage. Tout l'équipage, assis sur le pont, était affecté à cette tâche. Un chalut coûte très cher et nous n'en avions qu'un seul de rechange. Il nous fallait donc réparer celui qui avait été troué lors de nos récupérations de chaudières et autres avatars. La vie à bord était assez dure. Les marins étaient courageux à l'ouvrage. L'un d'eux m'avait même raconté ses trois naufrages. C'était le plus âgé du bord. Nous retrouvions dans le carré de l'équipage pour prendre nos repas et dormir dans nos cercueils. Chaque cercueil, qui était grosso modo la cabine de chaque marin, eh bien, les cercueils donnaient sur le carré des équipages. Et un beau jour, j'ai eu droit à mon bizutage. Ils avaient attrapé un grand congre qu'ils avaient mis, sans plus de respect, dans mon cercueil. Et quelle fut ma surprise lorsque je me suis relevé, mettant mes deux mains sur le bord de mon cercueil, et l'une se trouvait prise dans cette espèce de serpent englué qu'était le congre. J'ai eu une peur bleue. J'ai pris une bouteille, des bouteilles qu'il y avait de chaque côté de mon cercueil, et je l'ai cassée sur la tête du congre. Les marins rigolaient. Et moi, perdu dans mon cercueil, je me suis retrouvé avec du sang partout, avec un animal qui frémissait atteint à mort, et mon sac de couchage que j'ai dû nettoyer à grande eau sur le pont. Et qu'est-ce qui s'est passé là ? Ben, les marins, pendant que j'avais le dos tourné, ont pris mon sac de couchage, ils l'ont mis à l'eau, au bout d'une ligne de pêche, et m'ont dit « Voilà, regarde, ton sac de couchage, il est tombé à l'eau. » Effectivement, le bateau continuait sur son air, et mon sac de couchage était derrière le bateau. Ce qu'il ne m'avait pas dit, c'est qu'il était relié par une ligne de pêche. Et ralentissant le bateau, j'ai pu remonter mon sac et continuer de le laver à grande eau. Voilà pour mon bizutage. Ce fut une épreuve quand même assez difficile pour un petit garçon de 10 ans. Et tandis que nous continuons notre pêche, au fur et à mesure du chalutage, la cale se remplissait et le bateau avait atteint sa ligne de flottaison. Et là, c'était le signal. Lorsque le bateau plongeait sous sa ligne de flottaison, il fallait revenir au port d'Etel ou de Lorient. Donc, c'était l'heure de penser au retour, qui pouvait durer 3 à 4 jours, tandis que les cales étaient pleines. Un matin, je suis réveillé, tout bouge à droite, à gauche, dans le bord. Mon cercueil me tient même pas, je ne tiens même pas dans mon cercueil. Il y avait tempête. Le bateau montait sur la vague, des vagues d'environ 10-12 mètres, environ 3 à 4 étages d'un immeuble. Arrivé sur la crête, le chalutier piquait du nez vers le creux et faisait sous-marin pendant quelques secondes. Moi, sorti du carré où je m'étais retrouvé seul, me voilà embarqué par un paquet de mer et propulsé sous le canot de sauvetage. Après différentes interventions des marins, j'ai réussi à rejoindre le poste de pilotage où tout l'équipage était rassemblé. Là, trempé, je m'accroche sur des grandes languettes en cuir qui servaient à remonter et à descendre les pare-brises de ce poste de pilotage. J'ai tiré une courroie. Le pare-brise est descendu, tandis que nous plongions dans la vague. Plusieurs centaines de litres d'eau dans le poste d'équipage. Les cartes étaient trempées, la couchette du patron également. Mais cet épisode passé, j'ai vu poindre à l'horizon les côtes françaises. Et à ce moment-là, tout le monde s'est mis sur le pont, à poil, pour se laver. Se laver en prenant des douches de mer froide. Ensuite, après avoir accosté, descente à terre. Tout le monde joyeux va récupérer sa godaille. Fier de la ramener à mes parents, cette partie de pêche que le patron nous avait donnée nous permettait d'arriver les mains pleines dans notre retour en famille. Ce retour se faisait en camionnette pour déposer chaque marin devant chez lui ou à la buvette du coin. Nous étions tous un petit peu sous. J'ai fait 3 campagnes de pêche comme ça, toujours sur le même bateau, la Marie-Caroline. 3 étés de suite, 3 étés où j'ai passé mon mois d'août à me régaler sur la côte sud et ouest de l'Angleterre, dans le canal Saint-Georges, à la pêche à la morue. Voilà la fin de ma petite histoire.